15e chapitre, le parjure. La fontenelle, qui n'avait point d'artillerie et qui cependant voulait en finir, résolut d'avoir recours à la ruse. Pour cela, il appela encore à son aide l'exécrable perfidie dont il s'était déjà servi tant de fois en pareille circonstance. Il demanda sur-le-champ à parlementer, comme il l'avait fait à Pinmar. Les assiégés, qui étaient au bout de leur courage, y consentirent. Alors étant sortis de l'église, il s'établit en face du grand portail, et là, tranquille en apparence, il attendit que le lieutenant de la ville Rouault fût descendu du clocher. Quand cet officier fut en sa présence, il lui parla en ces termes. « Dites à monsieur de la ville Rouault qu'il n'aura pas à se repentir de se rendre à moi, que s'il veut à l'instant même faire mettre bas les armes à ses gens, je m'engage à le laisser sortir, lui et les siens, vie et bague sauve, et à lui accorder une honorable composition. » La ville Rouault, qui tremblait pour sa femme, la dame de Kerbulic, qu'il avait épousée tout nouvellement et dont il était éperdument amoureux, avait donné plein pouvoir à son second pour qu'il traitât de suite avec Guy Hédère, si ses conditions étaient acceptables. « Monsieur de la Fontenelle, répondit le lieutenant tout joyeux des paroles qu'il venait d'entendre, apprenez que je suis chargé par mon capitaine de traiter avec vous en son nom. Il vous demande seulement votre promesse formelle. Aussitôt la tour sera entièrement évacuée. » La Fontenelle ayant confirmé par un serment solennel cette capitulation, le lieutenant retourna vers les siens pour les avertir de ce qui venait d'être réglé entre les deux parties. Quelques minutes après ce pourparler, on vit la ville Rouault et tous ceux qui étaient dans la tour venir saluer et remercier Guy Hédère. Celui-ci profita de ce moment pour faire monter dans la tour ses soldats, qui s'emparèrent de tous les objets précieux que les habitants de Pont-Croix et les paysans y avaient cachés. En voyant la ville Rouault s'avancer vers lui, la Fontenelle eut à l'instant même une de ces horribles pensées qui viennent ordinairement assaillir le cœur des scélérats incapables de pardon ou de clémence. « Il faut que cet homme meure !» se dit-il avec une joie cruelle, et sa mort, en épouvantant mes ennemis, me dédommagera de mes deux échecs de Quimper. Si ma vengeance n'a pu atteindre le clou et du Granec, je frapperai au moins le capitaine de Pont-Croix. » Et aussitôt, se tournant vers le féroce Laboule qui était près de lui, « Laboule, lui demanda-t-il, dois-je faire grâce à la ville Rouault ? A-t-il fait grâce à nos soldats, lui, capitaine ? Répliqua le lieutenant avec un sourire impitoyable. Pensez-vous qu'il eût épargné votre vie et la mienne s'il nous eût tenus captifs? Vous-même, monseigneur, quand vous étiez prisonnier à Quimper, vous aurait-on rendu à la liberté sans la rançon que vous avez payée à monsieur de Saint-Luc? Oh non, rappelez-vous l'acharnement des bourgeois qui demandaient votre mort à grands cris. » La Fontenelle ne répliqua pas. Il se contenta de jeter sur la ville Rouault un de ces regards terribles et indéfinissables dont peu d'hommes supportaient l'expression. Le brave capitaine de la milice le soutint cependant, sans qu'aucun trouble se manifestât sur son visage. « Avant de me retirer, monsieur de la Fontenelle, dit-il avec beaucoup de calme, permettez-moi de vous exprimer mes remerciements pour la capitulation que vous avez bien voulu m'accorder. » La ville Rouault, en tenant ce langage, ne se doutait point qu'en ce moment même la tour qu'il venait de quitter était livrée au pillage et que son vainqueur violait la foi des traités. « Gardez vos remerciements !» répondit la Fontenelle d'un air sinistre. « Je n'en ai aucunement besoin !»« Que voulez-vous dire ?» demanda la ville Rouault, pâlissant d'émotion en remarquant l'air sombre de son ennemi. « Que vous n'avez plus que quelques minutes à vivre !» s'écria impitoyablement la Fontenelle. « Et qu'à l'instant même, il faut vous préparer à la mort !»« À la mort ?» répéta la ville Rouault d'un air d'incrédulité. « Oui, monsieur !» car vous l'avez mérité pour avoir osé me résister aujourd'hui, pour avoir tout dernièrement encore envoyé au supplice plusieurs de mes soldats, enfin pour avoir embrassé le parti de ce roi perfide qu'on nomme le Béarnais. Et votre serment ? Objecta froidement la ville Rouault. Je ne l'ai fait que pour arracher mes gens au coup mortel que, du haut de cette tour, vous dirigiez si adroitement sur eux. Mais alors, vous n'êtes qu'un parjure, un misérable sans foi et sans parole ? Oui, Contre vous et contre les ennemis de la Ligue, je serai toujours sans pitié, et mon bras vengeur ne se lassera jamais de frapper. Comment osez-vous bien invoquer la Ligue, vous qui n'appartenez à aucun parti, et qui, depuis le commencement de la guerre, ne servez que vos propres intérêts ? La ville Rouault allait continuer de donner un libre cours à son indignation, mais La Fontenelle ne lui en donna pas le temps. « Allons !» commanda-t-il à ses soldats, « qu'on dresse sur le champ deux potences, qu'à l'une d'elles soit pendue la ville Rouault, et à l'autre ce prêtre indigne, qui n'a pas craint de quitter sa paroisse pour venir ici me braver en se mêlant à mes ennemis. « Allons, monsieur le recteur, » ajouta-t-il avec moquerie, « confessez la ville Rouault, puis préparez-vous vous-même à rendre votre âme à Dieu. » Le digne Jean le Cosquer ne daigna pas répondre. Seulement, il se contenta de jeter sur La Fontenelle un regard empreint du plus profond mépris. On ne peut se figurer à quelles terribles angoisses était en proie l'infortuné capitaine de Pontcroix. Il avait compris que sa dernière heure était arrivée et que rien ne pouvait le sauver de la mort. Mais ce qui l'épouvantait le plus, c'était de songer qu'en quittant la terre, il laissait après lui une femme chérie qui l'idolâtrait et qu'il l'abandonnait au milieu d'un monde misérable et corrompu, sans aucun appui et au pouvoir d'un scélérat tel que La Fontenelle. Oh, quand ces pensées effrayantes traversèrent son esprit, que n'eût-il pas donné pour n'avoir pas épousé cet ange qui l'entraînait dans l'abîme ? En présence de l'affreuse réalité, la ville Rouault se sentait mourir avant le supplice qui lui était destiné. Mais c'était de rage de son impuissance. Tout à coup, au milieu de ses cruelles appréhensions, il sentit un horrible frisson lui parcourir tout le corps. Aussitôt, il passa la main sur son front couvert d'une sueur froide et mortelle, comme pour chasser les effroyables visions qui se dressaient devant lui. Lorsqu'il la laissa retomber, il aperçut les cruels soldats de l'île Tristan occupés à lier contre un des piliers d'une maison de la place sa malheureuse femme qui paraissait morte d'épouvante. À cette vue, ce brave gentilhomme, au cœur fier et loyal, sentit sa tête se perdre et il se crut fou. D'un bond, il s'élança pour dégager sa compagne des étreintes impures des soldats. Mais hélas, malgré les efforts inouïs qu'il fit pour échapper à ses bourreaux, il fut saisi et garrotté étroitement. « Misérable ! » dit-il à La Fontenelle d'une voix tonnante qui retentit jusqu'à l'autre extrémité du cimetière. « Tu ne crois pas en Dieu ? Toi qui ne respectes ni les prêtres, ni les femmes, ni tes serments les plus sacrés. Je l'ai dit, répondit froidement La Fontenelle. Le prêtre et vous, vous mourrez tous deux. Quant à la femme, elle vivra, mais elle sera déshonorée. En entendant ces terribles paroles, la tête de la ville Rouault se perdit tout à fait. Il ferma les yeux, ne pouvant supporter cet affreux spectacle. Après cette scène barbare, la ville Rouault, toujours évanouie, fut saisi et enlevé en l'air, et au moment où, reprenant ses sens, il sentait le froid de la corde lui effleurer le cou, il entrevit en face de lui une autre potence dressée, et une échelle à laquelle montait Jean le Cosquer, qui, avant de mourir, lui adressait ces paroles. « La place des martyrs est au ciel, monsieur de la ville Rouault. » Il n'entendit plus rien, car lui-même aussi venait d'être lancé dans l'éternité. Les autres nobles, quelques riches marchands et le lieutenant de la ville Rouault furent ensuite pendus aux arbres dont était planté le cimetière. En ce moment, des cris de détresse se firent entendre dans presque tous les quartiers de la ville. « Tuez, tuez, pas de pitié, à sac !» criaient les ligueurs en se ruant sur les maisons qui n'avaient pas encore été pillées. Puis l'on entendait les cris lamentables et les supplications des malheureux habitants qui cherchaient inutilement à implorer leurs cruels ennemis. Dans cette sanglante journée, presque toute la population de Pontcroix succomba frappée ou par les arquebusades ou par le fer des ligueurs. Le féroce Laboule, le sourire sur les lèvres, ne cessait d'exciter les siens au carnage. Il présidait à ce massacre avec la tranquillité froide et impassible du bourreau. Cependant, Guéder, qui se promenait devant l'église, jetant les yeux sur ces scènes d'horreur, ordonna enfin à ses soldats de cesser cette effroyable boucherie. Lorsqu'il eut rassemblé son butin et que toutes les maisons furent saccagées, il prit avec sa troupe la route de Douarnenez, emmenant à sa suite une foule de prisonniers. Arrivés à l'île Tristan, tous ceux qui ne purent payer une forte rançon terminèrent leur existence dans les tourments et les supplices, ou périrent entassés dans des cachots infects. Plusieurs finirent leur vie sur des trépieds ardents, d'autres expirèrent dans des tonneaux remplis de glace. Le lendemain du sac de Pont-Croix, quelques-uns des habitants, qui avaient pu se soustraire à la mort, rentrèrent dans la ville. Ils trouvèrent les habitations entièrement vides et les rues remplies des cadavres de leurs parents et de leurs amis. En arrivant près de l'église, ils reculèrent d'effroi en apercevant les corps de plusieurs pendus qui se balançaient aux ifs du cimetière. Après avoir reconnu la ville Rouault, le recteur, ainsi que beaucoup d'autres, ils s'empressèrent sur le champ de leur rendre les honneurs de la sépulture. Au pied de la potence où avait été accroché le brave chef de la milice, ils virent une femme agenouillée qui pleurait et récitait des prières sans suite. Elle ressemblait plutôt à un spectre qu'à une créature humaine. C'était Madame de la Ville-Rouault. La malheureuse était folle.